Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, 96,2 MHz, il est près de 14h et vous écoutez Didi & Co, le rendez-vous qui ouvre les portes de tous les univers. Chaque jeudi de 14 à 16h, on décortique les sujets les plus variés, avec nos invités en studio ou au bout du fil. Didi & Co, c'est de l'insolite au fondamental, du débat passionné à la découverte surprenante. Vos jeudis après-midi, l'émission où la seule limite est la curiosité. Retrouvez-moi en compagnie d'invités pour 2 heures d'échanges, de musique, de témoignages, de surprises. Bienvenue dans Didi & Co, le talk show qui ne s'interdit aucun sujet. Art, science, société, sport, musique, culture. L'essentiel est ici, avec celles et ceux qui font l'actualité. On commence dans un instant avec notre invité du jour. Mais en attendant, voici une page de sélection musicale. 3, 2, 1. To resolve these conflicts, thank you for your attention. Pleasant flight. We got a 1021 at airport. Suspect last seen on foot. Papa Tango Charlie. Papa Tango Charlie, bien reçu le message. J'ai une cible radar en approche sur la fréquence 96.2 FM. C'est le vol immatriculé Foxtrot Papa Mike Golf Charlie. Foxtrot Papa Mike Golf Charlie, vous êtes autorisé à atterrir sur nos ondes. Mustapha, vous avez le feu vert. Bienvenue sur le tarmac. Bonjour et bienvenue dans l'émission Didier & Co sur Radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, nous sortons des studios pour toucher le ciel, car nous recevons un homme qui a non seulement réalisé son rêve de voler, mais aussi a également construit l'instrument de ses rêves de ses propres mains. Nous accueillons mon ami Mustapha Hajab, pilote et constructeur amateur du magnifique motoplaneur Fournier RF3. Monsieur Mustapha, over. Bonjour. Eh bien voilà, je vais te demander un petit peu de te présenter, faire une petite présentation sommaire, et puis juste après on partira sur une première déjà page musicale de ta première sélection. Mais si tu veux un petit peu te présenter à nous et surtout aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, ça sera avec grand plaisir. Et bon ben mon nom tu l'as dit, mon prénom aussi. J'ai 74 ans aujourd'hui et j'ai volé pratiquement, je dirais, depuis l'âge de 7 ans. Voilà, donc c'est une passion qui est disons parallèle comme de rail de chemin de fer avec la musique. Et puis voilà, donc depuis l'âge de 7 ans, j'ai toujours rêvé de voler et je vole depuis maintenant pratiquement 45 ans, quoi, voilà. Ah oui, ça fait quelques heures de vol, comme on dit. J'ai pas énormément d'heures de vol, ouais. Parce que j'ai eu des interruptions, mais voilà, donc c'est une passion. Ça fait une bonne compétence. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, bien donc, bonjour Mousse, parce qu'on a l'habitude de se tutoyer hors fréquence. Nous nous connaissons et on échange quelques mots sur d'autres passions qu'on a en commun. Avec grand plaisir. Voilà. C'est un immense plaisir de te recevoir dans mon émission numéro 2 et surtout que tu sois mon tout premier invité en studio. Voilà, tu es pilote, donc comme tu l'as dit, et tu es le constructeur d'un magnifique Fournier RF3 immatriculé Foxtrot Papa Mike Golf Charlie, que j'ai mis d'ailleurs en vidéo sur ma page de l'émission. Oui, j'ai vu, je te remercie. Voilà. Alors, tout au long de ces deux heures d'émission, nous allons parler de toi, parler de ton aventure incroyable. Mais on va commencer par un envol avec un numéro, c'est la toute première. C'est un morceau que tu connais bien, je pense. C'est Genesis, Fight of Fight, de ton premier choix oui, musical. Tout à fait. Thank you. to turn from you like a cancer growth is removed by skin. Let it be revealed. A waterfall is toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz Orléans. Et c'est l'émission Didier & Co. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 décembre et nous sommes en compagnie de Mustapha Hadjab, pilote constructeur d'un motoplaneur Fournier 3. Le talk show qu'il vous faut, c'est ici avec Didier & Co. De rock progressif tiré de l'album Selling Lamb as a Pulp du groupe légendaire Genesis en 1973 avec Peter Gabriel. Le titre Five of Five est une sélection de notre invité, le pilote Mustapha Hadjab. Voilà, Mustapha, on vient de prendre quelques minutes d'envol. J'espère que le vol se passe bien pour toi. Disons que ce titre, Fit or Fit, c'est un des titres. J'ai eu la chance en 73 de voir Genesis au Bataclan. Et ce morceau m'est toujours resté dans la tête. Il a toujours été mon favori, mon préféré. Même aujourd'hui, je l'écoute parce que je l'ai écouté déjà des milliers de fois. Et de temps en temps, ça m'arrive de basculer, de couper la radio en vol et de voler sur cette musique. Voilà. Donc ça, d'accord, dans l'oreille, là, c'est génial. Tu planes là. Alors. Ouais, là c'est géant. Ouais. Eh bien, écoute, on va commencer un petit peu l'interrogatoire sur 96.2 MHz, Radio Arc-en-Ciel sur Orléans. Alors, mon cher Mousse, quelle est l'origine de ton déclic? Qu'est-ce qui t'a amené à l'aviation? Et est-ce une passion d'enfance? Oui, tu as déjà un petit peu répondu tout à l'heure. Ou une vocation tardive? Ben non, puisque tu voles depuis l'âge de 7 ans. Je crois, c'est bien ça. Enfin, tu voles, tu as commencé à... Non, j'ai eu la chance d'habiter à côté d'un aérodrome à Maubuisson, qui s'appelait l'aérodrome de Villard, de Domera. Et mon père avait un jardin, disons, qui jouxtait ce terrain d'aviation. Et quand j'allais donc au jardin pour accompagner mon père, et mon père, lui, pendant qu'il jardinait, ben moi, je m'allongeais dans l'herbe et puis je regardais les avions atterrir. Voilà. Et puis un jour, eh bien, je me suis déplacé. Je suis allé, comme les hangars étaient environ en diagonale à environ 1 km, j'ai traversé le terrain, je suis allé dans les hangars. Et là, je me suis fait surprendre par un pilote qui était en train de régler son appareil. Et qui m'a... Et qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, petit? Alors, il a bien vu que j'étais un passionné et tout. Et puis, du coup, ben, il m'a pris dans les bras, il m'a posé dans son avion. Je me rappelle très, très bien de ce souvenir-là. Il a pas fait décoller l'avion parce qu'il n'avait pas le droit parce que j'étais jeune. Mais par contre, je me rappelle très bien qu'il avait fait un tour sur le tarmac. Et puis, et beaucoup plus tard, je ne savais pas du tout qui était cette personne. Et beaucoup plus tard, j'ai appris que c'était le champion du monde de voltige, Léon Biancotto, qui avait son stamp qui était basé justement là-bas, son stamp à Damier. Et qui est mort malheureusement dans un accident d'avion en 1966. Ah, voilà. Et mort dans sa passion. D'où cette passion. Et là, il m'avait conseillé, il m'a dit, bah, si t'intéresses à l'aviation, il y a un club de modèle réduit qui est là-bas. Ils construisent des petits avions de vol libre, parce qu'à l'époque, la radiocommande n'existait pratiquement pas. Et donc, j'y suis allé, et puis j'ai construit mon premier modèle réduit, que j'ai présenté à un concours l'année d'après, et j'ai été récompensé par une petite médaille qui m'a été remise. Alors là, encore un autre personnage, qui était Achille Zavatta, qui était un passionné d'aéromodélisme. Voilà, donc de là, bah, après, c'était un cheminement continu, mais qui a commencé par l'aéromodélisme, comme beaucoup d'ailleurs. D'accord. Et une petite question piège, pourquoi le René Fournier RF3? Alors, il y a quelques années, ben, quand je passais mon brevet de pilote à Saint-Denis-l'Hôtel, j'avais un ami qui était un fan de planeur qui s'appelait Claude Larivière, qui est malheureusement aussi décédé. Et donc on volait sur un motoplaneur qui s'appelait c'était un SF-28 ou 25, je m'en rappelle plus, parce que la différence c'est qu'il y en a un qui est en biplace en tandem, l'autre qui est en biplace côte à côte. Et donc c'était celui qui était en biplace en tandem, donc ça devait être le SF-28. Tandem, c'est devant derrière, ça sent devant derrière, comme un vélo. C'est ça. Ouais. Et donc on avait décidé de battre le record du monde de distance d'un modèle réduit. Donc on s'entraînait en faisant avec un modèle réduit, donc je décollais le modèle réduit à côté de l'avion grandeur, et on le suivait, donc on restait en patrouille, quoi. Moi, j'étais dans l'avion, j'étais avec la télécommande, et on faisait un maximum de kilomètres en s'entraînant, parce qu'on voulait rejoindre Saint-Denis-l'Hôtel jusqu'à Gap, pour avoir les 700 kilomètres. Donc j'avais conçu un appareil à l'époque, c'était peut-être un peu prétentieux, mais avec une réserve de carburant de 3 litres. Et donc, depuis ce jour-là, donc le record n'a jamais été tenté, parce qu'il était détenu par les Américains. 3 litres. Il y avait 3 litres de carburant embarqué, ouais, sur un petit appareil qui faisait 3 mètres d'envergure, ouais, très léger. Ouais. Ah, c'est pas beaucoup. Si, c'est beaucoup, parce que le moteur, il consommait pratiquement rien. C'était un petit moteur méthanol de 10 cm3 qui consommait, je ne sais pas, peut-être 4-5 centilitres pratiquement à l'heure, quoi, vous voyez. Donc, c'était pas énorme. D'accord. Et donc, bon, ce projet est tombé à l'eau, bah, du fait de la disparition de Claude. Et puis donc, mais ce que j'avais apprécié, c'était le vol dans le motoplaneur, quoi. Voilà. Et j'ai dit un jour, tiens, je construirai un motoplaneur. Mais je trouvais qu'ils étaient pas jolis, c'était des motoplaneurs allemands. Et un jour, je suis tombé sur une image, donc étant commerçant, modèle réduit, donc j'avais toujours des, Et un jour, j'ai reçu un magnifique kit d'un fournier RF4 qui a été conçu par un Anglais qui s'appelait, ça y est, j'ai oublié son nom, c'est pas grave. Et ce kit, donc, il m'avait tellement plu, il était à l'échelle un quart, c'est-à-dire qu'il faisait 2,80 m d'envergure. Et il a remporté les championnats du monde de mode réduit avec cet appareil-là. Et moi, j'avais décidé, donc, j'ai multiplié par deux la taille de ce modèle. Et je l'ai construit donc en 5,60 m d'envergure. Et il existe toujours cet appareil, parce que je l'ai vendu il n'y a pas longtemps. Avec cet appareil, je suis même allé aux États-Unis pour représenter la France dans un rassemblement international. D'ailleurs, j'ai les revues ici que j'ai apportées pour que... Oui, tu sais, on verra pas beaucoup en radio. Hein. On mettra des photos après sur la page si tu l'es, d'accord. Et donc, voilà. Donc, l'amour du fournier, ça a commencé. Et puis, quand je suis revenu des États-Unis en 83, donc j'avais trimballé l'appareil là-bas et qui était quand même assez immense. On a eu pas mal de problèmes de douane avec mon épouse à l'époque. Et en revenant, donc, un jour, dans le magasin, j'ai vu une personne rentrer et un monsieur. Qui me salue, je dis patientez, j'ai un client là, oui. Et il me dit, je me présente, je suis Monsieur René Fournier. D'accord. Et moi, j'ai pas tilté tout de suite. Ouais. Et après, j'ai dit, René Fournier, vous êtes le créateur des avions Fournier. Il me dit oui. Et il m'avait amené son bouquin, son livre, donc il m'a dédicacé dans le magasin. Et puis là, la passion s'est amplifiée de plus en plus, quoi, voilà. Donc, et un jour, j'ai dit. Si je pouvais acheter un fournier, mais seulement les fourniers, les derniers qui ont été construits en industrialisation, en industriel, ils étaient dans les années 60-66. Ah oui, donc ils étaient quand même vieux, assez anciens. J'en ai trouvé deux d'occasion, mais où il y avait énormément de travail pour leur mettre en état. Et un jour, je me suis dit, finalement, ça coûterait pas plus cher certainement plus sécurisant que de construire son appareil soi-même, quoi. Voilà. D'accord, en fait, c'est ce qui t'a séduit donc dans ce concept d'avion. Je répète, hein, c'est un avion planeur, moto planeur. Mais tu as raison avion planeur parce que pour on va en parler après un petit peu. Vas-y. Non, mais c'est toi mon invité, ça doit parler. Hein. Non, mais j'ai au niveau de la réglementation. Enfin, au niveau à l'époque, René Fournier a préféré l'appellation avion planeur que moto planeur. Voilà. D'accord. Donc. Voilà, bon, tu te doutes que j'ai pris quelques notes, hein, comme j'ai pu, et je pense que tu vas pouvoir aussi me reprendre si je fais quelques erreurs, parce que c'est vrai que l'aviation, j'ai eu le plaisir, lors du tournage de la vidéo qu'on a fait ensemble, j'ai eu le plaisir de venir te filmer un petit peu. Bon, t'as pas pu voler ce jour-là parce que le plafond était trop bas. Oui. On a aussi un projet de vol film, mais bon, ça, on verra ça un petit peu plus tard. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, je me suis dit dans les premiers invités que j'aimerais avoir. Ça serait Mousse, déjà par amitié, par connaissance, et puis surtout parce que tu as un projet que tu as monté, enfin un rêve, et que tu as monté donc en projet et qui est devenu réalité. Et d'ailleurs, en parlant de rêve, c'est marrant parce que la prochaine invitée sera une personne justement qui va analyser les rêves. Donc en fait, toi, t'as pas eu besoin de l'analyser, en fait, hein, tu l'as directement réalisé. Moi, il y a une phrase qui m'a toujours séduit parce que déjà, tu te doutes bien que quand j'étais enfant, mais quand j'étais gosse, enfin adolescent, mes lectures préférées, c'était tout ce qui tournait autour de l'aéropostale, Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaume, tout ça. Et donc, il y avait, donc quand j'ai lu, je sais plus si c'est Terre des Hommes ou Vol de Nuit de Saint-Exupéry, il y avait une phrase qui m'était restée donc en tête, et où il disait fais de ta vie, fais de ta vie un rêve et de tes rêves un combat. Quelque chose comme ça, j'ai déjà entendu. Et donc, et j'ai toujours cette phrase, d'ailleurs, je la cite régulièrement, comme beaucoup d'ailleurs de gens passionnés d'aviation, ou des gens qui ont des rêves, d'ailleurs. Voilà. Eh bien, écoute, dans cette première portion de questions, il m'en reste une à te poser. C'est bon, j'ai préparé quand même tout ça, je fais pas ça de tête, je suis pas encore un professionnel de la radio. Tu te débrouilles très bien. On a un formateur qui est d'ailleurs derrière moi, qui n'oublie pas de venir régler de temps en temps un petit peu les micros. Je remercie d'ailleurs. Je connais très bien ce formateur. Voilà. Radio. Albino, c'est une sommité. Dans la musique, monsieur Albino, avec son émission Mavericain. Bon, on va parler tout à l'heure parce que, j'ai lui ai piqué deux ou trois morceaux d'ailleurs sur sa dernière émission, là, pour faire découvrir, le local. Donc le RF3 a une finesse. Alors moi j'ai copié finesse bêtement, comme on peut le voir dans les une finesse de 17. Peux-tu expliquer simplement ce que cela signifie et surtout quelle sensation cela procure-t-il en vol moteur coupé? Alors, René Fournier, quand il a conçu cet appareil-là, il cherchait déjà à l'époque, il était très avancé au niveau écologique, il voulait un appareil qui coûte pas cher en vol et qui ne pollue pas. Enfin, il y avait déjà cette recherche chez René Fournier. Donc, le RF3, il est mu par un moteur Volkswagen. Au départ, c'est une base d'un bloc Volkswagen qui a été refait par un avionneur qui s'appelle la société Rectimo et qui ont avionné ces appareils. Il a mis la base, c'est le bloc, c'est effectivement issu d'un moteur Volkswagen, et au départ c'était un 1200 qui faisait 38 chevaux, 35 chevaux je crois. Et donc l'appareil, il fait la finesse de cet appareil est non pas de 17 mais de 21. Enfin, 20. Voilà, donc première erreur, voilà. Didier. Non, c'est pas une erreur. Peut-être que le premier, c'est possible, était une finesse de 17. D'accord. Mais le RF3 et le RF4 ont une finesse de 20 en moyenne. Quoi. Alors la finesse, vous savez ce que c'est. C'est c'est que si vous êtes à 1 km, à 1000 mètres d'altitude, l'appareil, si vous, avec moteur calé, vous pouvez donc multiplier par 20, c'est-à-dire que vous pouvez faire 20 km en planant. Voilà. D'accord. Donc c'est très économique, ça, au niveau. Ah oui, c'est très économique. On va parler du côté carburant après, parce que c'est vrai qu'en ce moment, passer à la pompe, c'est un. Mais bon, on va passer ça. On va passer ça. Bah écoute, on va marquer une première. Alors attends, je vais juste te redemander pour avoir bien compris. La finesse, c'est la longueur enfin c'est la distance que tu peux parcourir en planant. Voilà. Par rapport à ton altitude. D'accord, mais après, je vais essayer d'être un petit peu technique. Oui. Mais après, si tu es sur des courants ascendants, ou ça peut t'aider encore plus. Si tu. Ah oui, bien sûr. J'ai fait un petit peu de planeur. L'avantage du motoplaneur, mais après bon, là c'est pareil. Imagine que, parce qu'il y a des planeurs aujourd'hui qui ont des finesses de 60-70, qui peuvent faire pratiquement 70 km d'accord. S'ils sont à 1000 mètres, mais s'ils sont à 5000 mètres, c'est multiplié, donc ça fait 350 km, donc c'est, les planeurs aujourd'hui sont hyper performants. Oui, d'accord. Après ils se servent beaucoup de la chaleur. On ne parle pas du tout d'ascendance, là on parle uniquement de trajectoire rectiligne. Mais enfin, il descend quand même. Il descend, sans jouer sur sur l'ascendance thermique. D'accord. Hein. Voilà, l'ascendance thermique, c'est tout à fait ça. Ben écoute, on va marquer une deuxième pause. Hein. On marque donc cette nouvelle pause pour ton choix de sélection musicale avec un morceau qui s'intitule Drive by Exit. The morning light. Not Vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz à Orléans et en France ailleurs. Il est 14h32 et nous sommes toujours en compagnie de Moustapha, donc pilote et constructeur d'un Fournier RF3 et non pas RF4 comme j'ai failli le dire tout à l'heure. Voilà, donc je pense que tu as eu le temps de préparer un petit peu ton questionnaire que je t'avais. Bon, faut pas le cacher, on a fait un pré-questionnaire hein, parce que je voulais pas faire trop de bêtises à la radio, et bien sûr tu m'as validé en me disant que tu allais apporter des corrections si jamais il y en avait, et non pas me mettre une correction. Doucement les basses, s'il te plaît. On peut pas tout connaître. Hein. N'est-ce pas? Ben oui, ouais, sinon ouais. On peut pas avoir la science. Ouais. Des fois, on est infusé par la science, mais on peut pas avoir la science infuse, tout à fait. Voilà, à quel moment précis tu t'es dit, bon, t'as répondu tout à l'heure un petit peu à cette question, mais à quel moment précis t'es-tu dit, je ne vais pas l'acheter, mais je vais le faire moi-même, parce qu'il faut quand même avoir certaines connaissances, compétences, envie. Eh bien, j'en ai trouvé un modèle qui était dans un piteux état du côté d'Annemasse. À l'époque, c'était en francs. Je me souviens, la personne le vendait 80 000 francs, je crois. Une somme. Oui, c'est 80 000 francs. C'était pas 8 000 francs. Bah, c'était 80 000. Oui, non, 80 000, ouais, parce que ouais. 8 000 francs. Oui, ça faisait 8 millions, quoi, en fait. Bah, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, je me suis déplacé à Annemasse avec un ami, et donc quand j'ai vu l'état de l'appareil, autant reconstruire un autre. Quoi. Donc c'est comme une maison. Hein. Si on arrive, c'est une ruine. Ou alors il faut vraiment. Voilà. Et un jour, je suis tombé sur un. Je regardais comme ça par hasard, et puis je vois sur Le Bon Coin un gars qui vendait un avion bizarre, enfin assez bizarre. Mais c'était un fuselage de Fournier. Alors je me questionnais, il avait adapté une aile de bébé Jodel, c'est-à-dire c'était une aile d'avion avec un double dièdre. Et donc je me suis renseigné, je l'ai appelé, donc il était du côté de Brive. Et donc il vendait la partie fuselage, mais déjà avec le moteur et pas mal de parties mécaniques. Donc je me suis déplacé et là j'ai vu que le fuselage était pas en trop mauvais état, le moteur pareil. Bon. Et le gars, en fait, il avait construit une aile de bébé Jodel parce que c'était beaucoup plus simple. Il l'avait monté dessus, il l'avait volé 2-3 fois et il était resté là depuis pendant des années dans son garage, quoi, sans voler, quoi, mais démonté. Alors moi, le fuselage m'intéressait, mais pas l'aile du bébé Jodel. Donc je lui ai racheté l'ensemble et j'ai rapatrié tout ça. Je dis tiens, le concern fera ça 2 mois à chercher, quoi. Et donc comme j'étais passionné par cet avion, je dis par contre la construction de l'aile posait beaucoup beaucoup de problèmes parce que je venais de reconstruire un pavillon en Sologne et donc j'avais adapté, j'ai dit tiens je construirai mon pas pareil, donc j'ai fait un hangar un atelier de 7,50 m sur 6 m, quoi, quand même, et je me suis dit ça ira pour me construire mon avion. Mais en fait quand j'en ai parlé à René Fournier, parce que René Fournier est toujours vivant et il habite en Touraine, donc et il me dit bah viens me voir, je vais te refiler les plans de l'avion. Et quand je suis arrivé chez moi, j'ai commencé à déplier les plans, les étudier et tout. Je me suis rendu compte que l'aile pas cette place. Et ben que l'aile, elle n'était pas en deux parties, parce que le modèle réduit, moi quand je l'avais conçu, je l'ai conçu avec les ailes en deux parties, d'accord, donc démontable, ouais, avec des clés d'aile. Et quand j'ai appelé René Fournier, je dis, il n'y a pas un problème, là. Je dis, parce que l'aile, elle est d'une seule pièce. Et je dis, vous avez le plan avec l'aile en deux parties? Il m'a dit, non, le Fournier, il n'a jamais été construit en deux parties. Il a toujours été construit, c'est un seul longeron de 12 mètres, de près de 12 mètres. Ouais, 11 mètres des poussières. 11 mètres 36, c'est exactement. Ça, ouais. Et donc, je lui ai dit, donc il m'a dit, non. Alors, là, j'étais un petit peu coincé. Et toujours mon ami Patrick, qui était à côté de moi, il me dit, écoute, t'as plus qu'une solution. Vu que ta maison, elle est encore en travaux et puis que la troisième chambre, elle n'a pas été faite. Il n'y aura pas de troisième chambre. Voilà, il n'y aura pas de troisième chambre. T'abats la cloison. Et puis au comme revoir, ça, les amis. Voilà, en diagonale, j'avais mes 12 mètres et j'ai pu donc travailler, voilà. Mais le fait de c'est quand même très compliqué parce que c'est une aile qui est trapézoïdale, avec un vrillage de 3 degrés en négatif et tout, et sur la longueur, c'est pas facile en étant tout seul de manipuler, mais enfin bon, j'en ai fait des allers-retours pour passer sous l'aile des centaines de fois pour aller de l'autre côté, parce que vu que... C'est pour ça que tu es souple. Ouais, c'est possible, ouais. Enfin voilà, donc c'était quand même un gros chantier, et beaucoup de gens m'ont dit, mais jamais une aile de fournier n'était construite par un amateur. Parce que c'est pas une aile de planeur, c'est pas facile à faire. Surtout quand on est qu'un moi je venais du modèle réduit, donc je savais comment étaient conçus les avions, mais les matériaux sont différents après. Bien sûr. Donc c'est pas pareil. Là, on travaille plus avec du balsa, on travaille avec du spruce. Un bout de colle, voilà. Et donc, un poinçon de colle, et puis voilà. Un assemblage, voilà. En vrai, c'est. Voilà. Donc en fait, parce que trouver un fournier en bon état à un prix raisonnable, c'était pratiquement impossible, quoi. Donc j'en avais trouvé un aussi en Espagne, mais il était accroché depuis des années à un plafond, et un avion accroché dans un hangar pendant des années, à mon avis, il a forcément travaillé. C'est pas terrible, tout à fait. Ouais. En plus, il n'y a pas de support, il n'y a rien. Et puis comme je sais que tu es quelqu'un de très précautionneux, voilà, tu aimes bien. Puis après, quand tu veux aller en vol, t'as intérêt d'avoir quelque chose qui... J'ai eu l'occasion avec toi de faire un petit peu la checklist avant de partir. C'est vrai que bon, on avait un petit peu accéléré la chose, mais c'est vrai que bon, il y a tout un tas de choses à vérifier, à connaître. Et alors, on pourra aller voir la vidéo sur Didier & Co. On a fait un petit montage rapide. Puis si vous voulez, si vous avez des questions aussi au sujet de cet avion ou d'autres choses qu'on va peut-être oublier ou omettre de donner, n'hésitez pas d'aller sur la page. On vous répondra, soit Mustapha, moi-même je lui enverrai les questions, et on répondra après coup sur tout le principe, parce que je pense qu'il y a peut-être des aviateurs, des passionnés qui écoutent. Voilà, je sais que t'as une grande communauté d'amis, non seulement dans la musique, ça c'est une chose qui est certaine, dans l'aviation j'ai pu m'en apercevoir là-bas. Je te demanderai après où est-ce que tu as ton parking. Voilà, tu me répondras pourquoi ce choix, sans faire de voilà, mais juste en disant pourquoi ce choix et comment. Voilà, donc la question encore une question piège, j'aime bien les questions pièges. Vas-y. Combien de temps a réellement pris la construction du fournier, de ce fournier F3? Alors moi j'ai pas voulu, parce que je sais que j'ai mon meilleur ami là qui a attaqué la construction d'un avion, ça fait 15 ans. La moyenne elle se dit entre 5 et 15 ans pour construire un avion. Bon, à peu près. Ouais. Moi, j'ai dit jamais je passerai autant de temps. Et le fait d'avoir acheté un fuselage, bon, ça me faisait ça de moins à faire. Mais bon, le fuselage, c'est pas le plus difficile à faire en 3-4 mois. Donc, enfin bref, je me suis dit, j'arrête de travailler. À cette époque-là, j'étais travailleur indépendant. J'avais déjà fermé mon magasin depuis 2009. Donc, j'étais travailleur indépendant, et cette indépendance m'a permis de mettre de l'argent de côté et de me dire, je m'attelle comme si j'allais à l'usine, 8h du matin, jusqu'au soir, jusqu'à temps que je me plus. T'avais pas de pointeuse, là? Non, j'avais pas de pointeuse, là. Et dès que je me levais, café bu, etc., douche prise, hop, directement dans l'atelier, comme l'atelier était à côté. Et j'ai travaillé pratiquement, j'ai mis moins de 2 ans pour le construire. Ah, quand même? Ouais. À la place d'une dizaine ou... Bah, disons que sur un truc comme ça, oui, si on est en activité, il faut compter entre 5 et 10 ans. Il faut avoir quand même une sacrée motivation, parce que bon, au début, on commençait tout nouveau, tout beau, à fond. Ouais. Après, petit à petit, surtout quand on se retrouve, parce que je pense que tu as eu quand même quelques surprises, quelques problèmes de compréhension. Des déboires. Bah oui, parce que tout seul, surtout quand il fallait bouger l'ensemble et tout, parce que l'aile, elle fait 12 mètres. Bah, au 11 mètres 36. 11m36. Et le longeron, donc déjà pesé 30 kg déjà une fois le longeron construit, parce que justement tu parlais tout à l'heure de RF4 et de RF3. Le RF3, c'est le modèle, c'est le troisième modèle de René Fournier, parce qu'il y a eu le 1 et le 2. Le 1, c'était des prototypes. Le 3, ça a été le plus abouti. Et par contre, il avait un défaut, c'est qu'on pouvait pas voltiger avec, parce qu'il y a eu un seul crash de cet avion-là. C'est un jour, je peux raconter, Oui, bien sûr. Donc ça se passait parce qu'à l'époque, les entreprises Fournier étaient à Gap-Talar, dans les Alpes, et il y avait l'instructeur qui s'était fait plaisir. Il s'est dit, tiens, avec ce petit modèle qui est extraordinaire, qui consomme pas du tout, je vais pouvoir faire de la voltige. Donc il a voltigé pendant tout le week-end, mais lui il savait maîtriser la voltige d'un avion et de faire de la voltige en souplesse. Et la fois d'après, il avait un élève qui avait volé, qui avait été lâché sur cet appareil-là, et Tido qui s'est dit, tiens, il a vu son instructeur faire de la voltige avec, il l'a tenté la voltige. Malheureusement, il a mal restitué en sortie de boucle. Et ce qui fait que dans la descente... Il a décroché ? Non, non, pas du tout. L'aile a cassé en vol. Ah oui, parce qu'il y a eu trop de... Enfin, je présume qu'il y a eu trop de puissance. De G, ouais. Trop de G, quoi, trop de... Et donc, il a tiré trop fortement, quoi. Donc, ce qui fait que les G ont amplifié et puis l'avion a cassé. Et donc, de ce jour-là, René, quand il a sorti le RF4, il a fait un longeron renforcé qui permettait... Et après, il l'a fait certifier voltige. Donc, la différence qu'il y a entre le RF3 et le RF4, c'est uniquement le longeron qui est renforcé. Et moi, sur le RF3, j'ai construit, j'ai fait, sous les conseils de René Fournier, le longeron du RF4 sur le RF3. Et l'autre différence qu'il y a avec le RF3, c'est le fuselage. Le fuselage n'a pas de carman. Le carman, c'est ce qui permet d'épouser la forme de l'aile en continuité avec le fuselage. D'accord. Oui. Et le bas du fuselage du RF3, il est carré, si tu vois, donc il est, alors que sur le RF4, il est arrondi. C'est la seule différence qu'il y a. Sinon, tout ce qui est motorisation, instrumentation et tout, train rentrant, c'est tout pareil. Voilà. Mais je suis peut-être un mauvais élève ou j'ai peut-être pas bien préparé mon questionnaire. On a parlé de toi et de monsieur Fournier. Pas trop. Bon, ça serait bien qu'on lui passe une petite page quand même. Ah oui, René, c'était une sommité. C'est un mec adorable. C'est un type qui arrive à 105 ans bientôt. 105 ans. Extraordinaire. Enfin, c'est une. Pareil, c'est un artiste parce qu'il était violoniste, il était céramiste. Il connaissait rien de l'aviation à l'époque. En plus. Ah non, quand il est pas ingénieur ni rien dans l'aviation, dans l'aéronautique ou quoi que ce soit. C'est un passionné. Oui. Par la suite, il est devenu, mais c'est par expérience. Par expérience, oui. Et industrialiser ça à l'époque, sans financement, sans rien du tout, c'était. D'ailleurs, il a écrit un magnifique livre qui s'appelle Mon rêve et mes combats. Et quand il parle de ses combats, c'est surtout ses combats contre l'administration, parce qu'il on lui a mis énormément de bâtons dans les roues, et d'ailleurs c'est un des seuls constructeurs des années 50-60 qui est encore vivant, quoi. Ouais, c'est le seul qui reste. Ouais, c'était tout à fait normal qu'on lui fasse un petit clin d'œil. J'ai déjeuné avec lui il y a environ un mois et il est encore. Si toutefois il est à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel sur 96.2 ou via Internet. On se permet de lui passer un petit coucou amical. Coucou à vous, monsieur Fournier. Bravo pour votre conception. Et bien content de recevoir un de vos disciples, mais on va dire. C'est pas le seul modèle, hein, parce qu'il y a eu le 1, le 3, oui, il y a bien sûr, le 4. Ouais. Après, il y a le RF5, c'est un biplace. Il y a le RF6, le RF6B. Il y a le RF9 et le RF10. Ah oui, voilà. Il y a eu plus de 1000 appareils construits quand même, hein, d'accord, au total. Hein, Ok, mais usines. Voilà, vraiment une. Et la petite question, toujours une petite question dans cette interview, peux-tu nous situer ton parking et comment as-tu organisé ton atelier? Alors, toujours grâce à des amis, parce que sans les amis, on ne ferait pas grand-chose, hein, c'est vrai. Les amis passionnés comme moi. Alors, quand j'ai construit mon appareil, j'ai eu la chance d'habiter en Sologne. D'ailleurs, je peux faire un peu de publicité. Non, c'est pas conseillé, d'accord. Ouais, là, donc, il y a mon ami a son fils qui est carrossier à la Ferté-Saint-Aubin et qui m'a dit un jour, écoute, quand tu finiras ton appareil, t'as que 10 km à faire. Si tu l'amènes, on pourra le peindre donc dans mon atelier, enfin, son garage, quoi. Et à partir de là, donc j'ai fini l'entoilage, les apprêts, la peinture, enfin la finition, etc. de l'appareil à cet endroit-là. Mais après, il y a ce qu'on appelle la mise en croix. Et la mise en croix, c'est-à-dire c'est monter l'aile sur le fuselage, hein, croiser, quoi. Et puis faire toute la finition, moteur, machin, instrumentation, et ça donc ça m'embêtait je pouvais pas le faire chez moi parce que mon garage, je pouvais pas monter l'appareil dans mon garage. Il fallait encore casser une chambre de 40 mètres carrés. Non, il aurait fallu casser la maison. Ah hein, oui, là, d'accord. Donc c'est plus grave. Alors j'ai fait la connaissance grâce à justement à cet amour des Fourniers. J'ai fait la connaissance d'un type extraordinaire qui s'appelle Jean-Luc Virault, qui est instructeur, mécanicien, enfin tout ce qu'on veut à l'aérodrome de Blois, et qui a aussi un Fournier, qui avait aussi à l'époque un Fournier RF3. Et il m'a dit, eh ben écoute, je vais pour la mise en croix de ton appareil, je vais voir avec l'aérodrome si on peut te faire une place dans le hangar pour finir le montage de l'appareil. Et donc à Blois, eh bien le aéroclub de l'ACBV, quoi, l'aéroclub de Blois-Vendôme, m'ont accueilli donc chaleureusement et j'ai fini donc l'installation, le montage du Fournier donc à Blois. Et autre chose aussi, c'est que pour le transporter l'appareil, j'ai eu la chance de d'avoir un ami à l'époque où j'ai bossé un petit peu chez De Ré, qui m'a prêté donc une plateforme, enfin une remorque. Un plateau, ouais. Et j'ai un autre ami qui est très connu, qui s'appelle Phil Keller, qui est magicien. Oh là. Et qui avait Il a transformé ça en. Voilà, il a réalisé un camion spectacle de 100 places. D'accord. Qui se déployait, etc. Donc, il est parti, maintenant, il n'est plus ici, il a revendu son camion. Mais il avait le tracteur, et c'est sa femme, Rebecca, qui pilotait, qui conduisait le tracteur, parce que lui, il n'avait pas son permis poids lourd quand il se déplaçait. Et un jour, il m'a dit, écoute, si tu veux, moi, j'ai le tracteur, si tu trouves la remorque, ton avion, on l'emmène à Blois. Voilà. Donc, mon appareil, je l'ai terminé là-bas. Et puis, quelques temps après, il y a Jean-Luc qui me dit, écoute, si tu sais pas où loger ton avion, je viens d'acheter un hangar au sud, parce qu'il y a deux zones à Blois. Il y a l'aérodrome nord. Voilà, au nord, il y a toute la partie commerciale, etc. et tout. Et au sud, il y a tous les constructeurs amateurs. Donc, il y a 15 ou 16 hangars. Voilà. Et il y a environ 80 passionnés, qui sont là. Au nord, où on a été en deuxième phase, chez ton ami, qui a le biplan que tu m'as présenté, qui sera peut-être éventuellement l'avion où il faudra que je me couvre pour pouvoir te filmer en c'est vol. Ça. Voilà, d'ailleurs, j'ai été. Ouais. Et donc voilà, et dans l'histoire, j'ai atterri à Blois, et puis je regrette pas, parce que c'est vrai que c'est 60 km de chez moi. Bon, j'y vais pas tous les jours, mais dès qu'il fait beau, forcément, maintenant étant retraité, j'ai du temps, et donc je me précipite à Blois, j'y passe la journée, le week-end, enfin voilà. D'accord, ouais, mais quand il fait beau, parce que c'est vrai que la dernière fois qu'on y a été, c'était un petit peu humide. Ouais. On a d'ailleurs eu un petit peu de mal à sortir dans la. C'est vrai, au niveau du train d'atterrissage, ce sont des roues qui sont fixes. Oui. De mémoire. Et il fait toujours, c'est quand même un train d'atterrissage, mais non rentrant. Si, il est rentrant. Il est rentrant, oui, mais en vol, voilà. Oui, en vol, mais pas au sol. Oui, non, sinon t'es posé sur le ventre. Exactement. Ouais, j'imagine tout de suite la scène. C'est vrai qu'on avait un petit peu de mal à l'extirper du terrain. Dès que c'est un peu boueux, Celui-là, je sais que des fois, quand tu voles, tu atterris sur des pistes qui sont dures. D'ailleurs, c'était la même époque l'année dernière, je crois. Oui, à peu près, début novembre, il y a à peu près un an. Donc tout à l'heure tu as répondu par rapport à la marque de ton moteur, qui est une marque allemande, du moteur, la motorisation. Et comment gère-t-on l'installation d'une motorisation d'avion? Parce que c'est un petit peu particulier, je présume, ou c'est comme dans une voiture Alors cet appareil, il était relativement simple par rapport au RF4. Le RF4, souvent, on voit les avions, ils sont montés sur des bâtimoteurs. Donc, ces bâtimoteurs-là, ils ont été étudiés pour contrer les efforts latéraux, longitudinaux, etc. Et l'avantage de cet appareil-là, c'est que le moteur se monte à plat sur la cloison, ce qu'on appelle la cloison par feu. D'ailleurs, la cloison principale, quoi. Moi, j'ai pas eu à faire des recherches là-dessus, parce que quand j'ai trouvé ce fuselage avec le moteur était démonté, mais je savais où il allait, quoi. Il va pas la queue en général. Non. C'est pas un propulsion. Non. Et puis l'autre avantage, c'est qu'avec René m'avait gracieusement offert la liasse de plans, et sur les plans, donc il y a une liasse où il y a environ une cinquantaine de plans différents. Faut lire et mémoriser surtout. Voilà. Et donc il y avait justement tous les systèmes d'implantation, motorisation électrique, etc. et tout. Donc j'ai pas trop peiné là-dessus. Quoi. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que ça demande en expertise mécanique particulière? Parce que même si tout est prêt, si j'ajuste, il faut quand même avoir un petit peu de bonne manutention, enfin des mains, adéquates. Disons que le modèle réduit est une école extraordinaire. Donc moi j'ai eu la chance de tenir un commerce sur Orléans pendant 35 ans, donc de modèle réduit. Des jeunes, j'en ai vu débuter beaucoup, et des qu'on réussit grâce à l'aéromodélie, j'en ai connu énormément aussi. Et moi, c'est aussi grâce à l'aéromodéliste que j'ai. Pour un modéliste, c'est une passion qui allie à la fois la mécanique, l'électronique, la construction. C'est vrai qu'il y avait des accointances par rapport à l'aéromodéliste. Voilà, il n'y a rien qui change, en fait. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a que les matériaux qui changent, quoi, en fait. Il n'y a pas de grosses difficultés. C'est sûr que c'est, pour quelqu'un qui n'est pas du tout de la partie, c'est de l'hébreu. C'est comme moi, si je sais pas, moi, il y a des choses que je ne sais pas. Si on te passait une guitare électrique à la place de la basse, non, peut-être que tu te débrouillerais non, quand non, même. Non, la guitare, ça va. Non, mais ça serait plutôt. Je te prêterai un harmonica la prochaine fois. L'informatique, par exemple, si tu me parles de IA, de voilà, tout ce qui est enregistrement informatique et tout, là, je suis complètement largué, quoi. Ça, c'est sûr. Oui, c'est ce que j'ai pu comprendre dans, voilà. dans ton message quand, voilà. quand tu m'as saisi, que tu m'as envoyé tes morceaux. Voilà. Que j'ai dû aller chercher sur une certaine plateforme. Bah oui, non, mais chacun. Et puis bon, on n'est pas d'une génération non plus où, voilà, on a les acquaintances courtes. La jeunesse, elle y va. Et même encore, des fois, elle se laisse dépasser. Mais déjà en premier, c'est la passion. Oui, voilà. C'est la passion. À partir du moment où tu as la passion. On déplace des montagnes avec la passion. Permet, voilà, parce que ça permet d'avancer. Et même quand on rencontre, pendant la construction, j'ai eu des coups de mou, hein, des fois des coups de blues, hein, disons. Bien sûr. Il dit, là, vaut mieux laisser tomber. Aller se coucher et puis revenir le lendemain. C'est ce que je fais, moi, quand je bloque sur l'ordinateur. Je vais me coucher, c'est pour ça que je suis souvent d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un. Là, on parlait de Blois tout à l'heure. Tous les ans, cette association qui s'appelle Aéropassion, il y a énormément de constructeurs amateurs. Et donc, tous les ans, il y a ce qu'on appelle le flag-in. Hein, c'est un rassemblement de constructeurs amateurs. Il y a une centaine d'avions qui viennent. Mais il y en a déjà 50 ou 60 qui sont sur place. Et là-bas, les gens sont tellement passionnés. Par exemple, il y a une équipe qui vient de terminer un Yak-3, qui est un avion russe avec un moteur de 1400 chevaux, quand même. Hein. Ah oui, c'est un et, beau bébé. J'ai vu les essais, j'ai vu les débuts de la construction. Enfin, pas les débuts, mais pratiquement la construction de l'appareil. Quand on voit la manière dont ils ont travaillé, c'est la folie. Moi, mécaniquement parlant, tout ce qui est tôlerie, etc., non. Là, par contre, je suis largué, là, quoi, niveau... Le bois étoile, ça va. Mais par contre, dès qu'on touche à l'aluminium, le métal, donc c'est pas mon truc. Ouais, chacun son truc. Bah oui, parce que ça se rapproche de l'aéromodélisme. Après, quoi que maintenant, il y en a un petit peu, non, pas trop d'alu. Hein, de plus en plus. Dans l'aéromodélisme. Ouais. D'accord. Ok. Eh ben écoute, mon cher Mousse, on arrive donc sur notre pause musicale. Encore un morceau que tu nous as choisi. C'est vrai que parmi tous les morceaux, il y en a que deux que moi j'ai choisi. Tu verras, c'est mon choix. Sûr, puis c'est surtout aussi pour faire découvrir les régionaux. C'est un principe que j'ai pris avec Albino, mon parrain. Et voilà, j'ai promis que dans l'émission, peut-être que je recevrai un petit peu plus tard, quand j'aurai un petit peu plus les manettes en main, des musiciens autres que la pop rock dans les studios. Pour l'instant, je me fais un petit peu la main avec des invités autres. Mais je reprends un petit peu sur les playlists d'Albino. Je leur prends quelques morceaux, je passerai un morceau que, enfin deux morceaux à la suite, là il y aura deux morceaux pour le prix d'un, d'un live qu'il a fait il y a pas longtemps, et j'ai repris ça sur la bande son que nous a fait gentiment, et que je remercie Florent Amigo, qui est notre monsieur podcast, qui nous fait tous les podcasts sur Radio Arc-en-Ciel, et qui nous les met après à disposition pour qu'on puisse les diffuser sur nos pages. D'accord. Donc je le remercie, et ça permet après de soit se retrouver en tant qu'invité, réécouter ce qu'on a pu faire, et nous de réécouter toutes les bêtises qu'on a pu dire. Voilà, ça va être parti pour le tout nouveau morceau, donc qui est un morceau qui s'intitule Fish, enfin cette Fish, c'est Credo, je crois, le titre. C'est ça? Oui, alors Frisch, c'est l'ancien chanteur d'un groupe qui s'appelait Marion, comme on dit. D'accord. Et Fish, donc, il est parti en solo, quoi. Il a sorti pas mal d'albums. Et c'est un chanteur que j'admire, et j'ai regretté son départ de Marion, parce que c'était, pour moi, c'était le, Marion sans Fish, c'est rien, quoi. Voilà. D'accord. Eh bien, l'auteur, là, je suis plus que tout seul dans la cabine, tu peux le voir. Donc, je suis livré à moi-même, comme toi, avec ton planeur. Voilà. Et c'est vrai que pour moi, ça plane un petit peu. Je regarde un petit peu tous les boutons, je fais aïe, aïe, aïe, aïe, est-ce que je vais y arriver? Mais vous inquiétez pas, si on n'arrive pas, on appelle au secours. Mayday, voilà. Mayday, mayday. Voilà. I'm êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel. Il est 14h58 et nous sommes toujours en compagnie de Mustapha Adjab, pilote constructeur d'un fourmi RF3. Pas décollé, tu es toujours dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, Mustapha, et je pense que j'ai été te voir tout à l'heure là, dans ta cabine, et pas de pilotage hein, dans tes cabines, dans le studio, et je pense que ça se passe pas trop mal pour toi. J'ai vu que tu avais pas mal de documentation aussi, au cas où je te pose quelques questions pièges. Oui. J'avais amené du renfort. Oui, ouais, je vois ça. Non, je pense que tu connais bien ton élément, ton sujet. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter aux auditeurs et à moi-même, auditeurs, auditrices, le plus grand obstacle technique et comment l'entraide du réseau, du sport, de l'air ou autre t'a aidé à le contourner? Je pense que tu as eu des fois des questionnements ou des rapports avec eux, entre autres. Surtout pour trouver les matériaux. Donc tout ce qui est le bois déjà au départ, parce que c'est du spruce, de l'aucoumier, du peuplier, et puis aussi du frêne. Alors frêne, c'est un bois qui est extrêmement dur, qui est aussi dur que pratiquement du métal, et on n'en trouve pas partout. Et donc je fais partie de deux associations, donc du Club Fournier International, donc qui réunit tous les amoureux et les passionnés de Fournier. Et du RSA, donc c'est le réseau des sports de l'air, donc qui existe depuis l'époque du Pouls du Ciel, d'Henri Minier, etc. Et donc, et grâce à ces associations-là, et ben comme toute association, hein, comme les collectionneurs de deux chevaux, de quatre ailes, de motos, etc. Donc, eh bien, on a des adresses pour se procurer du matériel. Voilà. Donc, ces associations-là, ça m'a beaucoup servi, ça m'a beaucoup aidé. Et pour trouver tout ce dont j'avais besoin, et surtout les conseils des fois sur certaines choses, voilà. Donc le réseau des sports de l'air, ce qu'on appelle le RSA, et puis le CSI. Le RSA. Moi je connais le RSA, mais c'est autre chose pour moi. Qu'est-ce que c'est le RSA? Le RSA. Oui. Bah c'est le revenu. Ah oui, c'est vrai. Le minimum d'insertion, c'est ça. Voilà. Je vois quoi, un truc comme ça. Voilà. Je vais pas. On va pas rentrer dans les détails au centime près, mais si on devait chiffrer l'aventure en dehors de ton temps, combien coûte une grosse fourchette la construction de ce type d'appareil? Alors ça dépend d'eux, tout est neuf, voilà, c'est relatif aussi, mais ouais. Disons que c'est pas facile de parler chiffres parce que j'ai pas calculé, mais en gros entre 25 et 30 000 euros, ouais. Voilà. Et tu disais suivant la passion et la motivation, 15 ans de travail ou 2 ans de travail si on est vraiment passionné. Oui. On compte pas son temps dans la passion. Sûr, c'est peu, voilà. Mais c'est comme quelqu'un qui collectionne des motos, n'importe qui les met. Bien sûr, on va pas compter les heures, c'est sûr que ça. C'est sûr que si je devais aujourd'hui la cote des avions Fournier, bon, ils ont la cote, ils sont très très bien cotés, mais ça se vend moins cher que. Ça se vend autour de 20 à 25 000 euros maximum pour un truc en bon état, quoi. Voilà. Mais bon, j'ai jamais parlé argent à cet endroit-là parce que j'avais tout prévu, malgré, bon, je suis pas d'une richesse extraordinaire. Voilà, t'étais pas un comptable non plus, voilà, j'avais mis suffisamment de côté et j'ai dit, de toute façon, faut pas que je mette plus de 2 ans pour construire cet appareil-là. Ça me permettait Au moins, tu t'es mis un objectif et objectif atteint. Voilà. Donc, aussi bien dans la finance que dans le temps. Ouais. Mais bien sûr. Mm-hmm. Juste avant d'ouvrir le cockpit, c'est comme ça qu'on appelle, hein, c'est un cockpit aussi, c'est un habitacle. Nous allons parler un petit peu pilotage, cadre légal et sécurité. Mm-hmm. Voilà, donc ma prochaine question est, quel est le cursus que tu as suivi pour obtenir ta licence de pilote privé? Alors je me suis inscrit à l'aérodrome de l'aéroclub de Saint-Denis de l'Hôtel. Et donc j'ai eu deux instructeurs, hein, Jacques Chambon, qui est un monsieur qui est décédé aussi malheureusement. L'autre, je m'en souviens plus de son nom, mais surtout avec Jacques Chambon. Et j'ai, bah, de toute façon, comme étant passionné d'avion, et puis après, ayant un peu plus, parce que quand même un brevet, ça coûte relativement cher, et étant un petit peu plus aisé financièrement parlant, j'ai dit, bah tiens, il faudrait que je pense à passer mon brevet. Donc ça, c'était en 86, 87, je crois. Et donc j'ai passé mon brevet, d'abord le brevet de base, et ensuite, à l'époque ça se passait en deux fois. Il y avait le brevet, le premier degré, le deuxième degré, quoi. Enfin, voilà. Ah oui, il y a plusieurs degrés. Ce qu'on appelle le PPL, quoi, en fait. Hein, voilà. Et voilà. Donc j'ai passé mon brevet là-bas à Saint-Denis l'Hôtel, et puis après, les heures de vol sont très très chères. Donc comme je pouvais pas voler tout le temps et que j'avais découvert l'ULM, l'ultra léger motorisé. Et je me suis donc acheté un kit d'ULM. À l'époque, c'était un Widoper, un JC-31 Widoper, que j'ai assemblé chez moi aussi. T'as cassé une deuxième chambre ou... Non, là, c'était pas le même, c'était pas la même maison. Là, j'avais... Je te taquine un petit peu. Ouais. Non, là, il était dans un garage, mais comme c'était montable et démontable, donc je pouvais monter les parties et après faire les assemblages dans la cour, voilà. Et j'ai volé. Bah, j'avais pas d'expérience du tout sur l'ULM, parce qu'en plus, quand on obtenait son brevet de pilote... On donnait une équivalence ULM. D'accord. Alors c'était quand même assez risqué, ils le font plus aujourd'hui parce que c'était quand même dangereux. Équivalence ULM, c'est-à-dire qu'avec le brevet de pilote avion, je pouvais piloter un ULM. Bon, si c'était un trois axes, c'était comme un avion, donc c'est pas compliqué. Mais par contre, quand c'est un pendulaire, c'est différent d'ailleurs. Et je m'en suis rendu compte un jour à un meeting, il y a un copain qui était là. Ah, tu t'es acheté un JC-31, ouais. Ah, tu me le prêtes? Il dit ouais, pas de problème. Il avait son pilote d'avion, non, pas. Puis après, il dit bah tu veux faire un tour dans mon pendulaire? Bah je dis non, le pendulaire, non, c'est compliqué, quoi. C'est non. Il m'a expliqué. Et alors, faut savoir que l'avion dans un avion, quand on est en marche, on tire en arrière, on monte, on pousse. Alors que le pendulaire, c'est l'inverse. D'accord. Ouais. Le pendulaire, faut pousser pour monter. Non, faut pousser faut tirer. Attends, d'abord. Inverse de ce que tu fais. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut pousser pour monter et il faut tirer pour descendre. Ah, c'est un trapèze, quoi, en fait. Ouais. Et pareil pour aller à gauche, à droite. Pour aller survoler à droite, il faut inverser, il faut pousser à gauche et puis voilà. Un peu comme on braque avec un Smirnoff, quoi. Il faut faire les commandes inversées. Je sais pas. J'ai fait une fois la manœuvre, et bon, avec une remorque. Ouais. Et, enfin, tu veux dire que je me suis fait la frayeur de ma vie parce que à l'approche en atterrissage avec son pendulaire, et parce que j'avais quand même réussi à décoller, bah, j'ai eu le réflexe de tirer pour arrondir. Ce qu'on appelle arrondir pour épouser le sol. Bien sûr. Et j'ai eu le réflexe de tirer, et là, l'appareil, il a plongé. Et là, heureusement, j'ai eu le réflexe de repousser tout de suite. Et voilà. C'est l'estomac qui remonte après. Ouais. Donc, de l'ULM, après, petit à petit, j'ai fait quelques centaines d'heures en ULM. Et un peu plus tard, je suis resté 10 ans sans voler en avion. Et puis après, j'ai repris en 2017, quoi. Voilà. Il nous reste à peu près, on va dire qu'on a fait la moitié du vol. Oui. Hein, là, on était en moteur, on va passer en planeur. Il est 15h07 et on est toujours sur la radio Arc-en-Ciel en compagnie de Monsieur Mustapha Hadjab Mousse pour les intimes, qu'on le retrouve de temps en temps aussi sur les planches des concerts ou sur les bords des concerts orléanais. Pour piloter, j'allais dire conduire, non, pour piloter ce genre d'appareil, y a-t-il des qualifications supplémentaires parce que tu pilotes en même temps quelque chose qui est motorisé et quelque chose qui plane. Donc ça change pas au niveau du pilotage. Ça change pas. Non, la seule difficulté qu'il y a sur le RF3, enfin les motoplaneurs, c'est que d'abord j'ai choisi un monoplace. Alors habituellement un avion biplace, quand on apprend à piloter, il y en a toujours un instructeur qui est à côté. Ouais. Là donc, même en ayant déjà son brevet, en ayant piloté pas mal de machines, c'est un appareil, on se dit on va être tout seul dedans, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Voilà. Alors j'ai eu la chance grâce à Jean-Luc Viraud qui lui avait son RF3. Quand on a fait les essais mon appareil, c'est lui qui a fait les premiers sauts de puce, comme on l'appelle, hein, les premiers sauts de puce. Et après, donc, il m'a expliqué, mais l'appareil, il est simple, bon, ça va, tu fais comme ça, comme ça. Et on est resté en contact radio. Mais j'avoue que quand j'ai fait le roulage et les premiers essais de son puce, ça allait parce que j'ai vu que l'appareil était simple. Mais qu'après, quand j'ai décollé vraiment pour monter plus haut, là, je me suis fait quand même une petite frayeur. Je dis, est-ce que je vais pouvoir revenir et le poser, quoi, voilà. Ah oui, parce que le plus dur, je crois qu'en pilotage, en avion, c'est toujours décollage, atterrissage, ouais, par rapport au vent. Surtout le décollage, ouais. C'est par rapport au vent, par rapport à... Dès que j'étais en liaison radio avec Jean-Luc, et Jean-Luc, donc, m'a dit non, donc... Pour le décollage, ça a été. Il y a une certaine vitesse bien sûr, on décolle à une certaine vitesse parce qu'on peut pas décoller l'appareil tout de suite. Il faut atteindre la vitesse de sustentation pour pouvoir après tirer sur le manche, décoller. Et atterrir, c'est pareil, c'est la phase. Alors le Fournier, il a juste il a deux complications. Il a des aérofreins. Et les aérofreins, c'est en fait. Quand on se pose, on met le moteur au ralenti et comme les planeurs et on ne jauge qu'avec les aérofreins. Ah, d'accord, ouais. Voilà. Donc si on veut ralentir, eh ben on sort les aérofreins. Si on veut que ça trop ralenti, eh ben on re-rentre les aérofreins. L'appareil, comme il y a de la finesse, il reprend de la vitesse, etc. Quoi. Donc il y a deux complications. Il y a le train rentrant. Il faut savoir gérer le train rentrant parce que souvent les gens l'oublient. Enfin souvent, c'est arrivé quelques fois que les gens oublient de sortir le train et de se poser sur le ventre. Quoi. Mmh. Donc casser les hélices. D'accord. Alors c'est les seules difficultés. Mais après c'est un appareil qui est relativement sain et n'importe quel bon pilote peut piloter, quoi. Ouais. D'accord. Ok. Et ben là, comme je l'avais annoncé tout à l'heure, on fait connaître un petit peu les artistes orléanais ou régionaux. Et là, j'ai eu donc le plaisir de pouvoir, entre parenthèses, faire un cut sur le dernier podcast de Mavrica, de l'émission Mavrica, parce que donc Albino avait réceptionné une personne éminemment sympathique qui a chanté des morceaux. Je regrette de pas pouvoir avoir été là ce soir en chronique, j'étais occupé ailleurs, donc j'ai pour coutume dans mon émission de partager, de faire découvrir 2 à 3 titres d'artistes de la région centre. Et je sais que comme tu es également musicien, je l'ai assez répété déjà tout à l'heure, et que tu connais bien le milieu musical orléanais, je te propose d'écouter un gars qui joue en groupe, mais là il est venu un petit peu en solo, accompagné de 2 autres, enfin solo pour son truc, mais il avait quand même deux bons poteaux avec lui. C'est Peter Crazy Cat qu'on a rencontré, qu'on a vu, il me semble, à Talcy. Je ne me rappelle plus si on était ensemble ou pas à Talcy, mais tu es venu cette année à Talcy ? Non, pas cette année. D'accord. Et c'était donc invité dans l'émission Mavrica 663, animée par notre ami Albino. Et je vais vous laisser donc écouter 2 titres d'affilée d'une personne que moi j'aime beaucoup aussi, qui est mon mentor un petit peu. Bon, il est décédé, mais je m'appuie beaucoup sur ses morceaux pour mon travail musical et vocal. Ce sont des covers de monsieur Johnny Cash. Voilà, je vais vous laisser découvrir 2 morceaux. Un premier morceau qui a été écrit par son épouse, enfin sa deuxième épouse, Judy Carter. Et puis le deuxième qui a été un petit peu le lancement de la vie de musical et d'artiste de Johnny Cash. Je vous laisse écouter Peter Crazy Cash en compagnie de Dom et je n'ai plus le nom de son... Mais bon, ça va me revenir tout à l'heure, je le marquerai. Puis j'ai le casque, donc j'ai Albino qui me souffle. Vas-y. Hein ? Steve. Steve, voilà. Et, il est peut-être pas sur le micro, donc Steve et Dom, et puis donc Pierre, qui est lui à la guitare et au chant. Et bon, ces morceaux sont repiqués directement sur la bande son qui nous a été proposée en podcast. Hein. Donc, Mr. Pretty Peter, let's go. Is burning thing, and it makes the fire ring. Born by wild desire, I feel into the ring of fire. I feel into the burning ring of fire. I run down, down, down, and flame and higher. It burns, burns, burns. Heard a ring of fire, a ring of fire. Yeah. fire. I went down, down, down, and flame went higher. I did burn, burn, burn. The ring of fire, and the ring of fire. The test of love is sweet. When health like hell's meat. Born by wild desire. Oh, oh, the fire went wild. I fear a burning ring of fire. I went down, down, down, and flame went higher. I did burn, burn, burn. The ring of fire. I went down, down, down, and flames went higher. I did bones, bones, bones. The ring of fire, and the ring of fire. I did bones, bones, bones. The ring of fire, and the ring of fire. And the ring of fire. Okay. Après cette envolée musicale très country avec Peter au chant, Steve à la guitare et Dom au violon, Je vais demander donc à notre ami, juste avant, je vais présenter la prochaine émission qui sera là. Alors on va, comme je l'ai présenté en tout début, on sera en compagnie, bah, une fois n'est pas coutume, on va faire venir quelqu'un de sa famille, ça sera par téléphone, ça sera ma frangine Sylvie, une ancienne d'ailleurs animatrice de Radio Arc-en-Ciel, et même autant de Mary Poppins qui était dans ses studios, en bas je crois, et elle viendra nous parler de l'analyse des rêves. Hein. Alors je sais que toi, Mousse, tu as analysé les rêves, puisque tu l'as réalisé et tu l'as fait toi-même, mais elle viendra donc nous parler un petit peu de psychosynthèse sur la fréquence 96.2. Enfin, ça sera par téléphone, hein, parce qu'elle est en Bretagne, et puis on parlera donc de l'analyse des rêves. Et donc après cette envolée donc musical très country Johnny Cash par Peter Crazy Cash, je vais revenir avec notre invité du jour, donc qui est en l'occurrence Mustapha Adjab, donc pilote et constructeur d'un Fournier 3F. Mousse, peux-tu nous raconter les émotions de ton premier vol? Et après coup, est-ce que tu as de cette connaissance intime avec l'avion ajoute, est-ce que la connaissance intime de cet avion ajoute un sentiment de sécurité dans le vol? Oui, je pense quand même. Le premier vol, ça s'est très bien passé. J'ai pas eu une grosse appréhension. Donc, j'ai fait 2-3 tours de piste. Là où ce que j'avais peur, c'est surtout c'est de d'oublier comme à chaque fois le train d'atterrissage, mais sinon le vol, non, c'est un appareil vraiment qui est très sain. Bon, là le seul inconvénient, c'est lorsqu'il y a des turbulences, comme c'est un appareil d'une grande envergure et qu'il est très léger parce qu'il pèse que 350 kilos donc en ordre de vol. Et donc, dès qu'il y a des turbulences, eh bien, on les ressent. L'appareil est un petit peu fragilisé par ça. Mais, enfin, disons pas fragilisé dans la structure. Simplement, il est beaucoup plus secoué, quoi. Comme si on roulait, par exemple, sur un train, sur une route un petit peu cabossée, quoi. Voilà. Sinon, oui. J'ai failli te laisser un blanc, là. j'avais pas fait attention que tu avais terminé de parler, c'est que j'avais plus Non, j'avais pas terminé. Là, j'ai pas terminé. Enfin, j'ai terminé maintenant, mais si ça te convient, ma réponse te convient, voilà. Oui, tout à fait, J'ai pas été un très, très, très bon élève. J'étais sur ma planification des morceaux à suivre. Mais voilà, il faut prendre. Il faut prendre un petit peu d'être partout à la fois. J'ai beaucoup de plaisir à voler avec cet appareil et c'est vrai que c'est vraiment, d'ailleurs on l'appelle, les amoureux de l'aéronautique, même des grands pilotes, l'appellent le petit chasseur parce que c'est vrai qu'on a l'impression dedans de se trouver aux commandes d'un petit Spitfire ou un truc comme ça. Donc c'est... Ah quand même, un Spitfire. Ouais, c'est un avion anglais ça, je crois. C'est un avion mythique, oui, de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Ah, j'ai le téléphone en live, donc je vais essayer de couper la... Enfin, c'est pas pour moi, hein. C'est une personne qui est dans le studio qui a oublié de couper son téléphone. Ça peut lui arriver, n'est-ce pas, monsieur Albino? ça arrive. Mais voilà, ça prouve bien qu'on est en direct et on est toujours donc sur la radio Arc-en-Ciel 96.2, radio d'Orléans. Et il est 15h21. Il nous reste une petite demi-heure à 50 minutes à être ensemble. J'ai plein de questions. Hein. J'espère que tu as fait le plein des réponses. Hein. Ouais. Ton avion est sous régime de la construction amateur du certificat de navigabilité restreint d'aéronef, donc la CNRA. Oui. Quelles sont les obligations légales en tant que constructeur et en tant que propriétaire? Alors déjà, pendant la construction, il faut savoir qu'on est obligé de faire passer des inspecteurs. Quoi. Donc la première phase de construction de la partie structurelle. Donc là, il y a un inspecteur qui vient, donc qui vérifie les assemblages, les bois utilisés, l'essence des bois, etc., de quelle manière. Et après, il vous donne un accord pour la continuité de la construction. Et il repasse après en finalité, une fois que l'appareil est terminé, pour vérifier donc la deuxième visite. Quoi, voilà. Donc si jamais il y a un problème et tout, il vous dit non, on arrête la construction là, c'est pas la peine de continuer s'il sent qu'il y a un risque, qu'il y a un danger. Quoi, voilà. Bien sûr. Après, pour Pour le, alors là, la différence qu'il y a entre CNRA et CDN, c'est que le CDN, ce sont les avions immatriculés, donc d'ailleurs comme les avions d'aéro, et qui sont soumis à des contraintes plus importantes, parce que c'est, comme c'est pas eux qui l'ont construit, tout, donc ils sont soumis à une réglementation qui est assez draconienne, qui donc il faut passer une visite annuelle de l'appareil, avec toutes les 50 heures une révision, toutes les 100 heures une autre révision, ensuite une révision générale. Qui elle nécessite eh ben un coût très très important. Donc, l'avantage d'avoir construit son appareil donc en CNRA, c'est qu'on à partir du moment où on l'a construit soi-même, qu'on a tout assemblé soi-même, donc personne ne connaît mieux que toutes les senteurs à peu près. Alors non, moi je suis pas soumis à ça. Je suis soumis à une visite, comme j'ai construit mon appareil moi-même. Je suis soumis à une visite tous les 3 ans. Voilà. Donc tous les 3 ans, il y a un délégué du RSA, donc au sein du RSA, du réseau des spoilers, il y a ce qu'on appelle ça y est, je l'ai oublié, mais c'est pas grave, c'est un contrôle technique. Oui, d'accord. Oui. Donc le gars vient, il passe la journée sur la journée ou 2 heures. Voilà, ou 3 heures. Un petit peu comme l'automobile, l'automobile, il y en a pour un quart d'heure. Là, voilà, il vérifie un petit peu tout plus. Il vérifie tous tes papiers, voilà. le carnet moteur, le carnet de vol. Donc il vérifie l'appareil, donc il nous dit de démonter toutes les trappes qui sont visitées, voilà. Et après, il vous donne l'accord de continuité. Voilà, donc c'est tout. Ou pas. En général, ouais. Quand l'appareil est neuf, bien entretenu, il n'y a aucun problème, quoi. Bien sûr. Donc, mais je pense qu'il doit être un petit peu plus rigoureux sur les appareils construits par industriels, construits par des amateurs, on va dire. De toute façon, lui, non, mais là, cet inspecteur-là du RSA, lui, il vient, il s'occupe que des avions construits par les amateurs. Il s'occupe pas de, il n'est pas habilité à vérifier les appareils qui ont été construits en industrie, quoi. Voilà. D'accord. J'étais juste en train de regarder mon potard, là. J'avais pas beaucoup de son dans les retours au niveau de la musique d'ambiance, la musique planante un petit peu, là. Je vous laissais, aller. Une petite 5 secondes, voilà, vous amenez avec nous en vol. Voilà ce qui, à part le bruit de l'air qu'il peut avoir dans le cockpit, le fameux voilà ce qu'on peut imaginer en vol. Voilà, c'est ce que ressent un petit peu Mousse pendant son vol. Voilà, quand il est au fond de ses pensées et qu'il prépare ses prochains concerts. Voilà, on a une petite musique d'ambiance et c'est vrai que tout à l'heure, au niveau du casque retour, je ne l'avais pas trop, donc j'ai remonté un petit peu le potentiomètre. Voilà. J'avais juste encore une petite question là avant de passer à 15h30. On parlait de l'avion tout à l'heure, au niveau de la fréquence de visite contrôle, mais il y a deux mécaniques en fait à bord d'un avion. Il y a la mécanique et il y a aussi l'humain. Tu es assujetti à combien de contrôles par an, par 2 ans, par 3 ans? Alors, contrôle médical. Voilà. Alors, contrôle médical, c'est jusqu'à 40 ans, c'est tous les 2 ans. Oui, c'est ça. Pour un pilote qui a son brevet avion et qui vole sur avion, mais qui n'est pas constructeur amateur. C'est-à-dire, moi, je suis constructeur amateur, donc j'ai une visite médicale tous les 2 ans. Voilà. Et après, alors attends, voir. Oui, non, c'est tous les ans. C'est tous les 2 ans jusqu'à 40 ans, et après 40 ans, c'est tous les ans. Oui, un petit peu comme ils vont faire au niveau du pilotage et de la conduite. De la conduite automobile, ce qui serait pas mal, parce que c'est vrai que, bon, moi, j'ai eu des petits problèmes de santé dernièrement. Oui, je m'en rappelle. Tu t'en rappelles? Ouais. Ben oui, c'était le jour. Et ça a été détecté grâce à une visite médicale aéronautique, quoi. Et donc, on m'a dit, monsieur, vous faites de l'arythmie, il faut, voilà. Donc, c'est vrai que. On vous retire votre licence provisoirement. Et voilà. Donc, je suis passé d'un cardiologue, voilà. Ils m'ont fait une ablation. Et maintenant, tout va bien. Donc, voilà. Donc, j'ai repris mes vols sans problème. C'est vrai que, donc, à Le Breuil, on a eu, il y a un an, on a eu j'ai un petit peu peur. Je manquais de souffle. Voilà, on a une première alerte et c'était pendant le tournage. Ouais. J'étais en train de filmer, donc je ne pouvais pas aider Mousse à tirer son avion, et c'est assez lourd. L'effort était important. Voilà, l'effort était assez intense, en plus dans l'air qui était mouillé. Il a voulu rentrer dans le cockpit, et là, une fois que tu t'es installé dans le cockpit, il a manqué de souffle, et là, j'ai eu quand même un petit peu peur d'un problème cardio. Et donc, je lui dis, allez, tu sors, viens te reposer un petit peu, ressort, on refermera, ouais. c'est pas grave, on va pas tenter le diable. Voilà. Et après, c'est vrai que tu as eu, t'as fait quelques examens, ce qui t'a privé de vol pendant un certain temps. Je suis très content pour toi que tu aies pu reprendre ta passion et refaire ça. C'est une bonne chose. De toute façon, la visite médicale annuelle, moi, ça me dérangerait pas au niveau automobile qu'on me dise, fais passer une visite médicale annuelle. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas, du tout. Bon, en l'air, c'est pire. Mais même en voiture. En voiture, s'il y a 130 km/h sur autoroute, bon, vous me direz que vaut mieux se planter sur une autoroute que sur une route départementale. Voilà. Mais c'est vrai qu'en avion, si vous arrivez un pépin, Il y a plus grand, c'est le crash, quoi. C'est le crash. Ouais. Après, malheureusement, en général, comme on est, il y a juste une question que j'ai oublié de te poser tout à l'heure. On parlait de vol. Tu peux monter, tu voles en général à, bon, on va parler en pied parce que, moi j'ai un petit peu de mal à traduire tout ça, mais à peu près en hauteur. Tu voles à peu près à quelle hauteur et tu peux monter jusqu'à quelle hauteur avec ton avion? Alors, il faut regarder les cartes. Oh, pardon. Ah voilà, et ça c'est Mousse maintenant. Je vais lui couper son micro. Je vais le laisser répondre à son appel. Et puis je t'ai coupé le micro si tu veux répondre, si tu as un appel urgent. Non, c'est bon, il me fait signe. Donc on va repartir. Voilà, donc je vais lui redonner le micro. Et voilà, ce sont les aléas et ça arrive aussi sur les salles de concert. Pour les histoires d'altitude, on a des cartes OACI. Donc ces cartes on va en parler de l'OACI. Et donc suivant le chemin qu'on veut faire, le trajet qu'on fait, et ben il y a des zones qui sont réglementées. Bien sûr, ou pas. Avec l'armée, avec le vol. Voilà. Donc il y a des zones qui sont réglementées et donc qui vous donnent, par exemple, sur telle zone, telle altitude minimum et telle altitude maximum. Voilà. Donc, sinon, tu peux monter jusqu'à, enfin, tu peux commencer à voler. Je aurai des pâquerettes, je présume. Et après, tu peux jusqu'à quelle altitude? J'ai pas de limite. T'as pas de limite? Non, tu vas monter à 10 000, tu te couvres un petit peu. Après, c'est le manque d'oxygène, il faut être équipé. Oui, bien sûr, parce qu'à 10 000, on a pas de souffle. Hein. Bien sûr. S'il y a un passage qu'une édio, on peut monter à 10 000 ou 15 000 pieds, on peut y aller. Voilà. Bon, il n'y a pas de risque pour le côté mécanique. Non. Généralement, les pilotes comme nous, les pilotes en herbe comme nous, on vole à 3000 pieds, quoi. Donc, 3000 pieds, ce qui équivaut à 1 km. 1000 mètres à peu près. 1000 mètres, ouais. Et il faut que, je pense que, comme tu m'avais dit, en voiture, la visibilité, une certaine visibilité, là, tu m'avais dit que c'était à 600, à peu près, qu'il y avait du brouillard, hein. Et que, voilà, c'est... Non, c'est-à-dire que... Tu fais pas du vol à... On fait que du vol à vue, bien voilà. sûr. On n'est pas en IFR. Voilà. IFR, c'est les vélos instruments. Et donc là, c'est encore une autre formation. Tu as une formation pour ça? Ah oui, bien sûr, qui est beaucoup plus draconienne. Parce qu'après, il y a les côtés éclairage, il y a les côtés... Ouais. Non, il n'y a pas que ça. C'est que quand on est en l'air, on ne sait pas. Moi, j'ai eu la chance de piloter il n'y a pas longtemps avec un ami qui est... Oui, dans les nuages. Quand on est... Donc, il m'a laissé le manche pendant de retour entre Roanne et Blois. Et donc, lui, c'était un ancien commandant bord d'Air France. Donc, il avait 35 000 heures de vol. Donc il m'a expliqué au niveau de l'instrumentation, parce que là on ne travaille qu'aux instruments. Mais par moment, donc on ne sait pas dans quelle position on est. On ne sait pas si on est en montée, en descente, en piqué, n'importe quoi. C'est ce qui a dû se passer sur l'accident du frère de Julien Clerc, là, comment il s'appelle, le journaliste. Je ne sais plus. Ah bon. Et lui, en fait, il a donc si on n'a pas une notion IFR et que l'avion n'est pas équipé justement d'horizons artificiels et autres, c'est impossible, quoi. Donc quand on est dans un nuage. On sait pas dans quelle position on est. On sait pas si on est à plat, si on est en montée, en descente, même avec les sensations. Ouais, si t'es à l'envers, tu le sens quand même. Si t'as la tête en bas. Je sais pas. Mais moi, je suis trouvé dans la position. Il m'a mis, d'ailleurs, mon ami m'a mis, il avait un avion ATB-10, donc il m'a laissé le volant entre Roanne et Blois. Et donc j'ai piloté tout le volant ou le manche. Là c'était un volant. Ah, c'était un volant. Ouais, ouais. Ah oui d'accord, ouais, un volant qu'on pousse. Ouais. Ah, ok. Et donc et là je me suis trouvé dans une situation où à un moment donné ben j'ai perdu carrément le comment dire le repère de l'horizon artificiel. Et il m'a dit bah là tu vois t'es en descente pratiquement à 95 degrés et puis si tu continues comme ça ben on va aller au top quoi tu vois. Donc mais donc il m'a dit on a rectifié mais c'est vrai que c'est une autre c'est un autre pilotage. Hein. D'accord. Donc je présume que quand tu décolles, tu demandes ton autorisation ou ouais. pas et que tu passes par ça dépend des aérodromes, les aérodromes contrôlés. Donc à Blois, comme c'est un aérodrome contrôlé, il y a ce qu'on appelle un AFIS. Donc il y a une personne effectivement à la tour et qui gère la réglementation, les vols, les atterrissages, les décollages. Oui, effectivement, dès qu'on monte son appareil, qu'on a mis son moteur en route, on doit prévenir la tour de nos intentions. Voilà. Voilà, donc je pense que tu es sur des fréquences radio bien définies. Bah, chaque aérodrome a sa fréquence. Ah, ouais, quand voilà. tu passes, donc tu as un carnet de bord qui te donne les fréquences que tu ne connais pas tous de tête, suivant où tu vas. Non, on a ce qu'on appelle, ça y est, j'ai encore oublié, une carte, un dictionnaire, où il y a tous les aérodromes avec la carte VAC, ce qu'on appelle la carte VAC. La carte VAC, c'est ce qui donne... C'est en fait tout ce qui concerne l'aérodrome, où vous allez, où vous êtes. C'est-à-dire c'est la longueur de la piste, l'orientation de la piste, la fréquence radio de l'aérodrome, etc. Et à chaque fois que vous arrivez à proximité de cet aérodrome-là, vous devez donc basculer sur la fréquence de l'aérodrome. Voilà. Donc, en termes de communication, tu utilises, je présume, le code OACI, Alpha, Bravo, Charlie, Tango. Exact. Tout ça, et ce qu'on apprend un petit peu dans tous les codes radiocommunication. Et tu es sur quel type de fréquence? Tu es en VHF, UHF On est en... Non, c'est en 833. On est en... Voilà, c'est en... Maintenant, on est passé... Avant, c'était la fréquence, on était en 20... Je ne sais plus combien. Maintenant, c'est passé... C'est en radio. Ça passe un petit peu technique, puis On est passé en 833, pratiquement tous les euros depuis 2 ans, là, oui. Ouais, donc t'as des procédures standards et tout ça quand tu arrives, quand tu décolles. Alors quand on LD, ça peut arriver aussi. Si on fait que des tours de piste, on reste en relation uniquement avec la radio de l'aérodrome d'où on a décollé. Si après on a un trajet à faire, alors après on il faut avoir étudié son cheminement avant, c'est-à-dire ce qu'on appelle préparer sa procédure de vol. Et puis et donc on a un log, ce qu'on appelle un log de navigation. Et après vous avez ce qu'on appelle des CIV, c'est-à-dire des centres de surveillance. Donc on les appelle. Donc c'est régional, hein, c'est sur une certaine circonstance. Vous dites, vous annoncez, je sais pas. Ouais, j'ai une cible, c'est ce que j'ai annoncé tout à l'heure. Fox Papa, machin, Golf Charlie, décolle de l'un, part en direction de tel endroit. Voilà, et puis après lui, il vous dit, à chaque fois. Donc vous avez un transpondeur. D'accord. Ouais. Il vous dit d'allumer, donc votre transpondeur est allumé parce que quand vous l'appelez, il est allumé. Et là, vous êtes, par exemple, on affiche tous les transpondeurs sont affichés sur 7000. Et après, il vous donne une fréquence individuelle. Il vous dit, mettez-vous en 7030, ouais, par donc exemple. Donc là, t'as ton émetteur récepteur qui te fait que tu... Dès que je bascule sur 7030, toc, moi, j'apparais sur son radar. Hein. D'accord. Et à partir de là, il me dit, pendant mon cheminement, il me dit, attention, à droite, je sais pas, moi. Ils disent à droite, à gauche, ou ils disent bâbord, tribord, Non, pas bâbord, tribord, non. Non, c'est pas comme en bateau, quoi, je veux dire. Il dit à votre gauche, à droite, à telle altitude, tel appareil se présente. Voilà, si vous le voyez, vous l'annoncez. Si vous le voyez pas, c'est que, il est passé, quoi. Voilà. D'accord. Mais, on est toujours Parce que t'as tout type d'appareil. Et... Ouais. On est toujours en surveillance avec. Et là, une question me vient un petit peu plus. D'actualité par rapport aux drones qui peuvent être des drones autorisés ou des drones non autorisés. Ça peut être aussi un piège pour vous en tant que pilote Alors oui, ça peut être un piège, mais il faut quand même savoir que en haut il n'y a personne. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'intersection, il n'y a pas de flics, il n'y a pas de... Oui, y a d'accord, pas de... Oui, non, mais je veux dire. Et des avions, on en croise très très peu, malgré qu'il y en a beaucoup. Il y en a très peu. Moi, j'ai fait un trajet, par exemple, en Bretagne, pour aller voir ma sœur. J'ai volé pendant 2h45, j'ai pas rencontré un seul avion. Ah oui, d'accord. Donc non, mais c'est ouais. Et c'est souvent c'est comme ça. C'est tellement vaste là-haut. Voilà, et c'est souvent comme ça parce que bon, au sol, parce qu'il y a des millions de voitures. Nous là-bas, il y a pas des... en haut, il y a pas des millions d'avions. Donc... Ouais, puis ils ont des couloirs, sur... suivant les couloirs, voilà. Tout en croix, voilà. Sûrement. Mais comme t'as voilà. pas de radar voilà. à bord, et voilà, tu les vois pas. Bah, ceux qui volent en IFR, par exemple, sans visible, enfin, oui, tu les vois. Instruments. Ouais. D'abord, ils sont très très hauts déjà. Et puis après, les avions de transport, sauf si vous êtes à proximité de Roissy, Orly, etc. Bah là, vous avez des zones à éviter. Mais sinon, ils sont à 10, 15, 20, 30 000 volts. 30 000 nœuds. 30 000, oui, c'est ça. Voilà. Juste une question suivante, parce que j'ai encore plein, et on n'aura peut-être pas le temps de tout passer, mais on va faire au maximum. En quelques mots, peux-tu expliquer aux auditeurs, aux auditrices, la différence entre un aérodrome contrôlé et un aérodrome non contrôlé? Est-ce que ça existe déjà? Oui, je pense. Eh ben oui, je viens de t'en parler, là. Voilà, mais j'ai pas tout écouté, donc j'ai pas eu le... L'aérodrome contrôlé, c'est là où il y a ce qu'on appelle un AFIS, un centre de surveillance, et c'est ce qui régule, donc, la circulation de la... Les aérodromes non contrôlés, il y a personne. Donc c'est à vous d'être prudent. Voilà. Mais généralement, bon, c'est les petits aérodromes, mais des gros aérodromes, généralement, ils sont toujours contrôlés. Bien sûr. Oui. Par contre, bon, il y a, par exemple, à Étampes, c'est un aérodrome où il y avait quand même pas mal de circulation. Pour des raisons, je ne sais lesquelles, ils ont retiré la FIS, ce qui fait qu'il y a personne. Donc là, ça devient un aérodrome non contrôlé. Mais quand vous arrivez, il faut quand même faire votre annonce comme s'il était contrôlé, faire tous vos messages exactement comme si l'aérodrome était contrôlé. Voilà. Une petite question juste de sécurité. Mais bon, toi, c'est un avion planeur, donc je pense que non, mais ça peut être oui. Est-ce que tu es obligé de porter un parachute? Non. Non, non. Le parachute, il est pour les planeurs, pour la bonne raison, c'est que les planeurs, quand ils sont dans une ascendance thermique, ils se retrouvent des fois à 5, 6, 10, 15 planeurs, 20 planeurs des fois. Oui. Donc automatiquement, il peut y avoir des clashs. Et là, le parachute est obligatoire. Tous les planeurs, de toute façon, ils sont équipés de parachutes. Moi, je les ai vus dans les Pyrénées, là, voilà. Quand ils montent et qu'ils tombent tous et ensemble. Et en plus, maintenant, il y a ce qu'on appelle des FLARM, c'est-à-dire que c'est un système qui permet... Si l'autre appareil est équipé, il vous dit, faites attention, à 50 mètres, vous avez tel machin, donc vous êtes prévenu par une sonnerie, quoi. Moi, je suis pas équipé d'un FLARM, et je suis pas équipé de parachute, parce que, par contre, il y a les voltigeurs, ceux qui font de la voltige, le parachute est obligatoire. Mais sur les avions, nous, si on fait pas de voltige et si on fait pas de vol à voile avec d'autres planeurs, on n'est pas obligé de mettre un parachute. Hein. D'accord. En termes de carburant, quel est le type vraiment de carburant? J'ai trois questions en une, hein. Quelle est l'autonomie de ton avion et combien coûte environ une heure de vol avec le RF3? Alors justement, j'avais mis sur Facebook à un moment donné un voyage que j'avais fait pour aller voir un ami dans le Doubs, enfin à Pontarlier. Et aller-retour, il y a un gars qui m'a envoyé un message, ça devait être certainement, bon, moi je suis écologiste aussi, hein, mais il y a un bon qui était vraiment dans l'extrême et qui m'a dit « Ouais, tu pollues, machin, etc. » Alors je lui ai expliqué quand même que je polluais certainement moins que lui avec sa voiture, parce que moi, l'aller-retour Pontarlier m'a coûté 80 euros, c'est-à-dire que moi je consomme 8 litres à l'heure, et je mets aujourd'hui, avant je mettais du 100 LL, c'est-à-dire c'est l'avion aéronautique, le carburant aéronautique, mais qui coûte relativement cher maintenant, 2,50 €. Alors que maintenant, avec un système de remise du plomb au carburant, j'utilise du 98. D'accord. Donc 8 litres à l'heure, ça fait, bah, tu multiplies 8 fois, je sais pas comment c'est, 1,60 €, quoi, un truc comme d'accord, ça. D'accord, oui, mais j'ai pas les prix de carburant. Le carburant, je le paye pas, moi. D'accord. C'est ma carte bleue. Non, non, ça revient, mettons, si on compte mécaniquement parlant, enfin tout, entretien, etc., ça coûte 100 balles, quoi. Enfin, euros, quoi, je dirais 10 euros. Et en quelques mots, quelle est la plus longue distance que tu aies parcourue avec le Fox Papa Mike Golf? Bah, moi, Foxtrot. J'ai 3 heures d'autonomie avec le réservoir, donc je vois la 160, ben, tu calcules, mais. Sans compter la distance que tu peux faire en planant. Oui. Là, ça, c'est moteur tournant, quoi. Oui, moteur, mais comme moi, j'ai pas de démarreur sur le truc, donc je coupe jamais le moteur. Oui, c'est ce que j'ai vu l'autre fois, tu as tourné les hélices. Je me mets au ralenti, je fais des vols planés au ralenti, mais je coupe jamais le moteur. Ouais, parce qu'en fait, quand il démarre son avion, il faut qu'il fasse déjà très attention. Ouais. On le voit d'ailleurs sur Je coupe le moteur si je suis au-dessus de l'aérodrome. D'accord. Donc, comme ça, je suis sûr de me poser. Si tu dois pas démarrer, tu peux pas descendre, bien sûr, ton avion. Mais bon, c'est quand même, quand il y a des turbulences en été, c'est quand même inconfortable. Et puis quand on a volé pendant deux heures, on a un peu mal aux fesses quand même. Donc, Ouais, parce que c'est pas grand à l'intérieur, hein. Il faut pas. C'est pas une histoire de taille, c'est une histoire que dans n'importe quel avion, on est soumis à des turbulences et on est secoué comme si on roulait sur des pavés, quoi, en bagnole, quoi. C'est un peu ça. Et lorsque, parce que ça, c'est, pour moi, c'est important, comment gères-tu le ravitaillement? T'as pas d'avion ravitailleur, je présume. Ça, mais tu te ravitailles dans des aérodromes. Voilà. Donc tu fais glouglou, fais le plein. Toujours sur les cartes VAC. Sur les cartes VAC, on a tous les renseignements concernant l'aérodrome. S'il y a du carburant, quel type de carburant, etc., etc. Ouais. Donc, quand on fait son chemin, ben, avant de partir, hein, on fait son. Voilà. J'avais reçu ça, c'était deux questions que j'avais eu de personnes sur ma page. Mm-hmm. Et la deuxième question, c'est comment transporte-t-il ses bagages? Est-ce qu'il y a de la place? Oui, alors j'ai un petit coffre arrière que j'ai d'ailleurs pendant ma construction rallongé. Et je peux transporter une petite tente je peux transporter 30 kilos de bagages. Alors après, ça dépend du poids de la personne. Moi, faisant entre 73 et 74 kilos, je peux transporter, parce qu'il ne faut pas dépasser le poids maximal qui est de 350 kilos. Voilà. Donc l'appareil, plus le poids du carburant, plus le poids du personnel. Moi, je suis limité à 30 kilos de D'accord, oui, mais 30 kilos, tu as de quoi faire déjà. De quoi faire, ouais. Voilà, en plus, tu ne pars pas pendant 3 semaines, 1 mois. Non. Ou alors, tu te fais livrer ta mallette en avant et tu la récupères. Voilà, c'est des solutions, mais c'est des questions que. Et tu laves ton slip tous les jours, quoi. Pardon? Tu laves ton slip tous les jours. Voilà. Voilà, eh ben écoute, on va passer la petite dernière pause musicale avant la fin de l'émission. On est toujours sur Arc-en-Ciel. Il est 15h44 et il nous reste à peu près une dizaine de minutes ensemble. Et je vais vous laisser donc écouter un morceau qui se nomme. Ça y est, j'ai plus le nom. Bill. Non, c'est Bad Little Doggy. Oui, c'est Warren Hines. Yes. Ouais. C'est bien, on vient d'écouter Bad Little Doggy, encore une sélection de Mustapha Hadjad, donc pilote Fournier. On est dans la dernière ligne droite de l'émission. Là, ça se passe pas trop mal. Je sais pas si tu as eu le temps de répondre au téléphone, mais je vais te repasser le, je vais te repasser la sucette, comme on dit dans le jargon. Je vais te repasser le micro dans deux minutes. Donc il est 15h58 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Vous êtes toujours en compagnie de Didier au micro dans l'émission Didier & Co. Mais Didier ne s'écrit pas de la même manière. Vous avez toujours la page Facebook qui est à votre disposition pour pouvoir écouter nos podcasts faits par Florent Amigo et en même temps retrouver un petit peu tout ce qui a été d'actualité aujourd'hui et sur la première émission pour retrouver les titres des morceaux. Je vais retourner, je vais renvoyer la sucette à monsieur à Mousse pour le dernier passage de questions. Donc tu es très engagé au club Fournier International et quel rôle joue cette communauté pour l'entraide technique et pour le partage? Oh, c'est surtout qu'on maintient cette association pour René lui-même, pour René Fournier, parce qu'il y tient beaucoup, c'est sa famille, comme il dit. Donc effectivement, on s'échange, dès qu'on a un petit problème ou alors qu'on cherche quelque chose, eh bien, comme tout club, comme toute association, eh bien, on a un lien, donc le CFI, un club Fournier International, donc sur le site, sur Internet. Et donc on pose notre question donc de ce qu'on a besoin, ce qu'on recherche, etc. Donc voilà, ça permet. Sinon, nous faisons deux réunions annuelles, une assemblée générale bien sûr qui se déroule toujours en janvier-février, et le rassemblement Fournier qui est jamais au même endroit. Donc ça dépend de voilà. Donc l'année dernière c'était dans le sud de la France. Cette année, je sais pas, ce sera peut-être du côté d'Amboise, j'espère. Voilà. Donc tous les ans, on fait notre assemblée générale et notre réunion avec tous les Fourniers quoi, réunis. Voilà. D'accord. Et en général, tu m'avais dit que c'était en début d'année, c'est ça hein? Alors c'est toujours le deuxième week-end de septembre, la réunion. Des avions, mais l'assemblée générale, après ça concerne uniquement les adhérents du club, quoi, pas de l'association. Quoi. D'accord. Dans les dernières questions, donc, parce que c'est vrai que le temps passe vite, hein, on est entre passionnés et entre apprentis aussi, avec le maître d'école qui est derrière, avec sa baguette, prêt à me taper sur les doigts. Je voudrais te demander, quel est selon toi le futur de la construction amateur en France et quels conseils donnerais-tu à un jeune passionné qui rêve de construire son propre avion? Ça sera les dernières questions avant le mot de la fin. Ben écoute, l'avenir, je sais pas. Je sais à l'heure actuelle, c'est compliqué. Hein, c'est très compliqué parce qu'il y a 75 à 80% d'abandon. C'est-à-dire que les gens commencent leur avion, ils se rendent compte qu'ils rencontrent des difficultés, c'est des trop, obstacles, ouais. Et donc ils laissent tomber. Mais des constructeurs amateurs, il y en aura toujours, c'est sûr, pour l'aviation. Après, ce qui va nous freiner de plus en plus, c'est la réglementation, c'est tous les, comment dire, les gens qui veulent faire de l'argent pour racheter les terrains pour les constructions, c'est-à-dire les promoteurs, parce qu'il y a pas mal d'aérodromes en France qui ont des problèmes à cause de ça. Et puis après, pour un jeune, pour dire si, c'est le mieux, c'est déjà d'aller voir dans un club de constructeurs amateurs. Il y en a à Saint-Denis-d'Hôtel qui s'appelle l'ASCAO, il y en a à Blois bien sûr, l'Aéropassion, et puis après il faut voir selon ses capacités s'il a envie de voler. Après c'est surtout d'abord déjà passer son brevet quoi. Voilà, ouais. J'avais pas vu, mais j'avais une question qui m'était arrivée sur le télécrypteur, hein, comme on dit en radio. Non, sur ma page Facebook, et une personne me demandait, est-ce qu'il y a possibilité, juste pour venir se renseigner, de venir, de prendre rendez-vous éventuellement avec toi, pas de voler, parce que je sais que tu n'as qu'une place, mais la personne voulait offrir à son fils, qui est en fauteuil roulant, l'occasion de venir de plus près, voir les avions, le hangar, et est-ce que toi, tu es ouvert à ce genre de situation pour... Alors moi, non. Personnellement non, après oui, on peut, il y a toujours quelqu'un qui peut emmener, mais le mieux c'est d'aller à l'aérodrome, carrément à l'aérodrome. Mais ça tu pourras arranger le... Oui bien sûr, ouais. Moi je me téléphone et puis je prends, généralement c'est Jean-Luc lui-même qui fait les baptêmes. Jean-Luc, donc, c'est la personne qu'on a rencontré. Jean-Luc, c'est la personne qui c'est le biplan Non, ça c'est Zach. Ah, Zach, oui, voilà. Non, Jean-Luc, c'est celui qui a un Fournier maintenant à biplace, qui avait un monoplace et qui a fait les essais de mon appareil, quoi. Voilà. Et lui, il est constamment sur l'aérodrome parce que c'est lui qui entretient les moteurs des avions de l'aérodrome. Et il suffit, soit téléphoner à la CBV, l'aéroclub de Beauvendôme. D'accord. Ouais. Prendre rendez-vous là-bas, il y a aucun problème. Et puis même pour une personne à mobilité réduite, il y a toujours des possibilités de pouvoir l'installer dans un avion. Il y a pas de souci. Parce que le Lustig avait eu l'occasion de faire un coup de montgolfière. Ouais. Et là, voilà, l'avion, voilà, c'est la passion. Ah oui, il y a pas de problème de ce côté-là. Il n'y a pas de souci. Voilà, avant de clôturer, de te remercier, est-ce que tu as un dernier mot à l'antenne pour tes amis, ta famille, ou tous ceux qui t'ont soutenu? Je vais y arriver. Non, t'as rien à leur dire, merci. Enfin, si, j'ai pas dû leur plein de choses à dire, mais je dirais à tout passionné, fais de ta vie un rêve et de tes rêves. C'est ça, c'est toujours l'inverse. À chaque fois, cette phrase, j'arrive jamais à la dire. Je l'ai écrite quelque part, là. Vite fait. On la retrouvera, puis je la mettrai sur la page. Je l'ai parce que j'avais un peu. Voilà, je vois qu'il feuillette. Voilà, ouais. Je l'ai, voilà. Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est tout ce que, comme tout passionné, que ce soit passionné par la musique, la photo, la voiture, la moto, voilà. Bien sûr. La passion est commune, de toute façon. Donc, je crois qu'entre passionnés, quelle que soit l'activité, on est toujours en très bonne compagnie. Voilà. Eh ben, écoute, pour clore un petit peu cette émission et ta venue, je te remercie amplement. J'en profite pour donner le bonjour à tous les auditeurs et les auditrices qui veulent savoir. Donc, je rappelle que jeudi prochain, je serai avec Sylvie Verchère qui va vous parler de l'analyse des rêves. J'aurai à suivre après un éditeur et des auteurs qui seront dans ce studio pour parler de l'écriture de livres, de l'édition, des salons du livre. Et puis, j'aurai aussi une émission qui pourrait peut-être t'intéresser par la suite. Alors c'est fin décembre, début janvier, ça sera avec un batteur, mais là il va venir pas en tant que batteur, il va venir en tant qu'ingénieur du son live et il est batteur dans un groupe Last Rider, et il est de Laye-en-Val. On a sympathisé lors d'une émission avec Albino et il sera donc là pour parler de son métier. Il est donc ingénieur du son à la Philharmonique de Paris, donc c'est un il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Parce qu'on a parlé un petit peu technique et c'est vrai qu'il m'a un petit peu soufflé dans sa façon de parler et c'est là qu'on a fait connaissance. Je dis écoute, tu m'intéresses. Donc on s'est dit, j'aurai l'occasion de retrouver Sylvain fin d'année ou début d'année 2026. Et pour clôturer un petit peu ce morceau, il me reste quelques instants. Donc, je veux juste rajouter un truc. C'est remercier Albino, Arc-en-Ciel et puis toi, bien sûr. Et puis l'effort que tu fais pour pas mal de choses. Et donc, pour les passionnés, si vous voulez le meilleur renseignement, le 13 juin l'année prochaine à Blois, donc il y a le rassemblement des avions de construction amateurs. C'est pas une démonstration publique, mais il y a une centaine d'avions et la personne qui veut des renseignements, elle aura tous les renseignements, parce que ce soit mécanique, construction, etc., parce que les constructeurs ne sont pas avares de conseils. Voilà. D'accord. Et écoute, c'est noté. On renotera ça sur les tablettes de Didier Enco sur la page des réseaux sociaux. Et puis on retrouvera ça dans toutes les bonnes boulangeries du net, je pense sur tous les réseaux. Et en attendant, je vais vous laisser partir en voyage en haute altitude avec un morceau de Monsieur Frank Zappa. Et on va passer je pensais bien que tu allais dire ah oui. Et on va passer donc la scène et la dernière page musicale avec Monsieur Frank Zappa. C'est parti dans quelques secondes. S'il est par là.